mauvais chrétien. Montre de quoi tu es capable. Toi, reprends ta vie de païen. Et que Dieu te soit secourable. Vends ton frère, vends-le, mon salaud. Vends ta femme, oui, vends. Cette pancarte là, donne et il te sera donné. Depuis 3 malheureuses semaines qu'elle pend ici, elle ne fait plus aucun effet. Et ça, le public veut toujours du nouveau. Et évidemment, je vais encore mettre la Bible à contribution. Mais combien de temps cela suffira-t-il ? Et compagnie. Pitchoum. C'est bien vous le directeur de la société, l'ami du mendiant, parce qu'on m'a dit de m'adresser à vous. Ah, ce sont des maximes. Un vrai capital. Mais vous en avez sans doute toute une bibliothèque. Ah ben, ça au moins c'est quelque chose. Nous autres, où est-ce qu'on irait chercher des idées pareilles? Et puis, quand on n'a pas d'instruction, oui, comment voulez-vous que les affaires prospèrent? Votre nom. Voyez-vous, monsieur Pitchoum, dès ma jeunesse, j'ai joué de malchance. Ma mère buvait et mon père était joueur. Livré à moi-même depuis toujours, sans la main aimante d'une mère, je me suis enfoncé peu à peu dans le bourbier de la grande ville. Je n'ai jamais connu la douce sollicitude d'un père ni les bienfaits d'un foyer uni. Et c'est ainsi que vous me voyez. Et c'est ainsi que je vous vois. Privé de toute ressource, jouet de mes instincts. Comme une épave en haute mer, etc., etc. Bon, maintenant, dites-moi. Espèce d'épave. Dans quel district récitez-vous cette émouvante bluette? Pardon, monsieur Pitchoum. Oui, ce récital, vous le donnez bien en public. C'est-à-dire, oui, monsieur Pitchoum, hier, dans la grande rue, il s'est produit un pénible incident. Moi, je me tiens là, tranquille et malheureux, le chapeau à la main, sans songer à mal. Grande rue, grande rue. Oui, mais c'est bien ça. C'est toi le salopard que Sam et Ronay ont pincé hier, hein? Tu avais le culot d'importuner les passants dans le district numéro 10. Nous avons réglé l'affaire avec une volée de bois vert parce que nous nous sommes dit en voilà un qui n'a pas su frapper à la bonne porte. Mais si on t'y repince une seule fois, alors ça sera la scie. Compris? La scie. Je vous en prie, monsieur Pichoum, que dois-je faire? Avant de me donner votre carte, ces messieurs m'ont couvert de bleu. Tenez, si j'enlevais ma veste, vous croiriez parler à une morue séchée. Cher ami, tant que tu n'es pas aplati comme une oreille, tu peux te dire que mes hommes ont été bougrement mous. Regardez-moi ce jeune blanc bec. Ça s'amène le bec enfariné, persuadé qu'il lui suffira de faire le beau pour avoir son beefsteak assuré. Que dirais-tu si on venait pêcher les meilleures truites de ton étang? Ah ben, c'est-à-dire, monsieur Pichoum, je n'ai pas d'étang. Bon. Les licences ne sont délivrées qu'à des professionnels. La ville est divisée en 14 districts. Quiconque se propose d'exercer la profession de mendiant dans l'un de ces districts a besoin d'une licence de Jonathan, Jeremiah, Pichoum et compagnie. Autrement, n'importe qui pourrait s'amener. Jouet de ses instincts. Monsieur Pichoum, seuls quelques shillings me séparent de la ruine complète. Pour 2 shillings, il doit y avoir moyen de... 20 shillings. Oh, monsieur Pichoum, ne ferme pas ton oreille à la misère. Donne et il te sera donné. 10 shillings. Et 50% des recettes hebdomadaires, avec fourniture de l'équipement, 70%. Pardon, en quoi consiste l'équipement? Ça, c'est la société qui le décide. Et alors, dans quel secteur pourrais-je entrer en fonction si ça... Rue des Boulangers, entre le numéro 2 et le numéro 104. Là, c'est même meilleur marché, ça ne fera que 50% avec l'équipement. Bon. Voici. Madame Pichoum! Oui, oui, oui. Votre nom? Charles Filch. C'est bien ça. Voici Filch. Numéro 314. C'est moi qui l'inscris. Naturellement, vous voulez vous faire embaucher juste avant les fêtes du couronnement, hein? Le seul moment dans toute une vie d'homme où il y a un petit quelque chose à glaner, hein? Équipement C. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les 5 types fondamentaux de misère qui sont capables d'émouvoir le cœur de l'homme. La vue de ces différents types plonge l'homme dans cet état contre nature où il est prêt à lâcher son argent. Équipement A, victime du progrès des moyens de transport. L'alerte paralytique, toujours gay, toujours insouciant, à peine assombri par un moyen. Équipement B, victime de l'art de la guerre. L'insupportable trembloteur importune les passants. Travaille par le dégoût qu'il inspire, dégoût que la vue de ses nombreuses décorations atténue à peine. Équipement C, victime de l'essor industriel, le pitoyable aveugle ou la haute école de l'art mendicitaire. Il a pitié! Mais jamais, au grand jamais, vous ne ferez un bon mendiant. Regardez-moi ça, c'est à peine capable de faire un passant. Bon. Équipement D. C'est bien, tu as encore bu. Et maintenant, tu n'as pas les yeux en face des trous. Le numéro 136 est plein de ces frusques. Combien de fois devrais-je te répéter qu'un gentleman n'enfile jamais de vêtements crasseux? Le numéro 136 a payé pour un costume flambant neuf, les taches, le seul élément du costume qui doivent inciter à la pitié. Il fallait les faire à l'aide de stéarine, de bougies appliquées au fer chaud. Mais tu ne penses à rien, il faut que je fasse tout moi-même. Tiens, déshabille-toi et enfile-moi ça. Mais entretiens-le bien. Que deviennent mes affaires? Propriété de la société équipement. Je jeune homme qui a connu des jours meilleurs ou éventuellement qui n'a pas mangé son pain blanc en premier. Ah bon, vous les remettez en service? Mais cette histoire des jours meilleurs, pourquoi ne la donnerais-je pas moi-même? Parce que personne ne croit aux misères véritables de personne, mon fils. Si tu as mal au ventre et que tu le dis, ça ne produit qu'une impression dégoûtante. D'ailleurs, tu n'as pas de questions à poser, mais seulement filer tes frisques. Non, parce que... Est-ce qu'elles sont pas un peu sales? Oh, excusez-moi. Attends, grouille-toi un peu, Spina. Je veux pas tirer ton pantalon jusqu'à la cinglingue. Mais mes bottes, je les enlèverai pas. Je les enlèverai au aucun prix. Tiens, j'aimerais mieux renoncer tout de suite. C'est le seul cadeau que j'ai jamais fait à mon frère. Et aussi bas que je sois tombé, jamais, au grand jamais. Dis donc, pas de bêtises, moi, je sais bien que t'as les pieds sales. Bah, où c'est que je pourrais me laver les pieds en plein hiver? Allez, allez. Et ta fille? Polly? Elle est en haut? Est-ce que cet homme est revenu hier? Celui qui vient toujours quand je ne suis pas là. Ne donc pas si méfiant. Il n'y a pas plus de gentleman que lui, Jonathan. Monsieur le capitaine, on pince pas mal pour notre Polly. Hein? Et si j'ai pour 4 sous du job, Polly le trouve aussi très bien. Célia. Tu parades avec ta fille comme si j'étais millionnaire. Quoi, tu veux sans doute la marier? Crois-tu que notre foutue boutique marcherait encore une semaine si cette jolie espèce de client venait fourrer son nez dans nos affaires, hein, gendre? Il nous tiendrait tout de suite dans ses griffes, il nous aurait. Crois-tu qu'au lit, ta fille tienne sa langue mieux que toi? T'as vraiment une jolie opinion de ta fille, hein? La plus mauvaise, la plus détestable, c'est la sensualité en personne. En tout cas, c'est pas toi qu'elle tient ça. Se marier. Ma fille doit être pour moi ce qu'est le pain à l'affamé. C'est même dit quelque part dans la Bible, d'ailleurs. Le mariage, ça n'est jamais qu'une cochonnerie. Je lui ôterai bien ses idées de mariage de la tête. Jonathan, tu manques tout simplement d'éducation. D'éducation. Et comment s'appelle-t-il donc, ce monsieur? Jamais entendu l'appeler autrement que le capitaine. Alors, vous ne lui avez même pas demandé son nom? Intéressant. Nous n'allons tout de même pas être assez rustres pour lui demander son extrait de naissance. Un monsieur si distingué, qui nous emmène toutes les deux à l'hôtel de la pieuvre pour un petit pas de danse. Où ça? À l'hôtel de la pieuvre pour un petit pas de danse. Capitaine, hôtel de la pieuvre. Ce monsieur ne nous a jamais touché, ma fille et moi, qu'avec des gants de chevreau. Des gants de chevreau? D'ailleurs, il porte toujours des gants, même des gants blancs. Des gants de chevreau glacés blancs. Mais oui, mais c'est bien ça. Des gants blancs, une canne à pommeau d'ivoire, des guêtres, des souliers vernis, un air d'autorité, une cicatrice... Oh, cours, mais comment sais-tu? Monsieur Pichou, mais est-ce que vous ne pourriez pas me donner encore quelques tuyaux? J'ai toujours été partisan d'avoir un système et de ne pas parler à tort et à travers. Bon, voilà qu'il lui faut un système maintenant. Et il fera un excellent idiot. Reviens ce soir à 6h, on t'indiquera l'essentiel. Allez, mes riches morales. Merci beaucoup, monsieur Pichou. Écoute, je vais tout dire. Merci infiniment. Et oh 50%. Allez, partons. Et maintenant, je vais te dire qui est ce monsieur aux gants blancs. C'est Maquis, le surineur. Mon Dieu Seigneur, Maquis le surineur. Oh, oh, bien, Seigneur Jésus, reviens parmi nous. Oh, bien, bien, bien, bien. Polly? Que fait Polly? Polly. Polly n'est pas rentrée à la maison. Son lit n'est pas défait. C'est qu'elle aura soupé avec le courtier en textile, c'est sûrement ça, Jonathan. Mais Dieu veuille que ce soit avec le courtier en textile.